Seigneur ce matin, Seigneur. Asa mangaribi aleo Bwana. Viens ukuje et conduis ce culte. Naongoze ibada. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomewa. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Prépare-nous, Seigneur. Ututayarishe Bwana. Parce que nous voulons marcher dans la sainteté. Kwani tunapenda kutembea katika utakatifu. Pour faire la joie de ton cœur. Jua kufurahisha moyo wako. Bénis la parole que nous avons lue. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amina. Matthieu au chapitre 26. Matthayo sura ke makumi mbili na sita. Le verset 17 à 19. Mstari ya kumi na saba na kumi na kenda. Le premier jour de Pesach sans levain, siku ya kwanza ya mikate bila chacho, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, wanafunzi wakamwambia Yesu hivi, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Unapenda tukutarishie chakula ya Pasaka fazi gani? Il répondit, naye akajibu, allez à la ville chez un tel. Mwende mumuji kwa mtu fulani. Et vous lui direz. Na mutamwambia. Le maître dit. Bwana anasema. Mon temps est proche. Wakati yangu inakaribia. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Tafanya pasaka yangu pamoja na wanafunzi wangu kwako. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Na wanafunzi wakafanya ile Yesu aliwaagizia. Et ils préparèrent la Pâque. Na wakatayarisha Pasaka. Dans la Genèse au chapitre 15. Mwanzo sura ya 15. Dans son verset 13. Mstari yake ya 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Na wamilena akamwambia Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ujua kwamba uzao yako itakuwa mkeni muinchi ila itakuwa yabo. Ils y seront asservis. Mule watabateswa. Et on les opprimera pendant 400 ans. Batawatawala na kubatumikisha miaka mia ine. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Alakini mimi nitahukumu ile taifa ile itawatawala. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alakini watatoka na mali mingi. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Wewe utenda msalama kwa baba bazako. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alakini utazikwa na buze bwa ra. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mwana Mungu ongeze baraka kusomi wa neno lake. C'est depuis hier que nous avons introduit notre préparation à la Sainte Cène. Nitangia jana tulianza matayarisho yetu juu ya meza ya Bwana. Nous avons montré que c'était juste à la fin du ministère et de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tulionesha kwamba ilikuwa ni kumwisho kwa butumishi na kwa maisha ya Yesu Kristo. Jésus sentant qu'il devait partir. Yesu sava vile aliona asema alipashe aende. Et que devant lui il y avait une dernière épreuve. Na mbele yake kulikuwa jaribu ya mwisho. Avant l'expiation, bele ya ondoleo ya zambi, dans son cœur, il a souhaité vivement de partager le repas du Seigneur avec ses disciples. Mumoyo wake alipenda sana apate ugawanyana na wanafunzi wake meza ya Bwana. Nous avons montré que ce repas du Seigneur, tulionesha kwamba hii meza ya Bwana, fut célébré le jour de la Pâque. Bari shangilia ni siku ya Pasaka. Une journée ou une fête entièrement consacrée à l'Éternel. Ni siku mzima yenye kutolewa kabisa kabisa kwa wa milele. Une fête que les Juifs célébraient comme une loi perpétuelle. Hii ni karamu wa Yuda walikuwa na shangilia sawa sheria ya milele. Nous avons montré hier que c'est depuis un temps. Tulionesha jana kwamba ni tangia zamani. En parlant de la Pâque de l'Éternel, Israël, le peuple de Dieu, était en Égypte. Israël, taifa ya Mungu, ilikuwa mu Misri. Sur une terre étrangère. Mu inchi ya kigeni. La cause fondamentale, principale, de leur départ en Égypte. Sababu inye ya musingi ya bo kwenda mule mu Misri. En dehors de ce que nous avons relevé hier. Inje ya ile tulisema jana. C'était la haine contre leur frère Joseph. Ilikuwa ni kwa ajili ya chuki ile walimchukia ndugu yabo Yusufu. Joseph qui était un homme spirituel. Yusufu yule alikuwa mtu wa kiroho, un prophète de Dieu, nabi wa Mungu, un don que Dieu avait donné à la famille de Jacob, zawadi ile Mungu alipatia kwa jamaa ya Yakobo, mais qui vivait entre ses frères qui n'avaient pas une bonne vie. Alakini yule alikuwa naishi katikati ya banduku yake bali hawakuwa na maisha mzuri. Et qui de temps en temps. Na bale kila wakati. Qui de temps en temps Joseph. Ule kila wakati. Rapportait à son père les propos de leur frère. Alikuwa anamwambia baba yake misemo ya banduku yake. Les mauvais propos. Ma misemo mbaya ya banduku yake. Israël l'aimait plus que tous ses fils. Israeli alimpenda kushindia watoto wake wote. Parce que Jacob l'avait eu dans sa vieillesse. Wani Yakobo alimzaa mbuze wake. Mais ses frères n'appréciaient pas le comportement de Joseph. Alakini banduku yake hawakupende vitendo ya Yusufu. Il n'aimait pas les reproches de Joseph. Hawakupende makemeo ya Yusufu. Si Joseph allait de temps en temps faire un rapport à son père, kama Yusufu alikuwa anaenda kila wakati na kuleta ripoti kwa baba yake, sur les mauvais propos de ses frères, yulu ya misemo mbaya ya banduku yake, il voulait que leur père le redresse. Alipenda juu ya baba yabo apate kubanyolosha. Mais ses frères n'appréciaient pas cela. Alakini banduku yake hawakufurahikie ile vitendo. C'est ce que nous voyons souvent même dans l'église, même dans nos foyers. Njo ile tukunaona kila mara hata mu majama yetu hata mu kanisa. Quand un enfant a un penchant vers le mal, wakati mtoto anategemea kubibaya, il supporte difficilement les reproches. Eko na vumilia kwa nguvu sana makemeo. Et il n'aime pas souvent celui qui les reproche. Na kwa kawaida asipendake ule kona mnyolosha. C'est ce que nous voyons dans l'église. Joele tukunaona hata mkanisa. Les prédicateurs qui attaquent le péché ne sont pas appréciés par les membres d'église. Baubiri bale beko na kombanisha zambi awapendake kwa ba memba ba kanisa. C'est ainsi que ses frères l'haïrent. Jo kwa maana banduku yake walimchukia. Et vous remarquerez que en dehors de cela, mtaona ya kwamba nje ya ile, lorsque vous lirez dans la Genèse au chapitre 37, wakati mtasoma Mwanzo sura 37, comme Joseph est un prophète, il avait tout le temps des songes. Sawa vile nabii alikuwa nabii kila wakati alikuwa na mandoto. Ses frères ne l'aimaient pas aussi à cause des songes. Na banduku yake tena hawakumpende kwa ajili ya mandoto yake. Il ne comprenait pas que ce n'était pas le son de Joseph. Hawakuelewa ya kwamba haikukue mandoto ya Yusufu. C'était les visions de Dieu qui annonçaient ce que deviendrait la famille de Jacob. Na lakini ilikuwa ni maono ya Mungu ile ilikuwa naonesha vile jamaa ya Yakobo itakuyaka. Ilo ai. Na walimchukia. D'une manière spéciale. Munamna ya upekee. Et leur haine les a conduits jusqu'à le vendre, à le tuer. Vous voyez bien mes frères, je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Je veux un peu avancer. Mais je fais quand même un point là. Bien aimés frères et sœurs, la haine est une très mauvaise chose dans la vie d'un chrétien. La haine est une très mauvaise chose dans la vie d'une chrétienne. La haine n'est pas le vêtement ou le caractère d'un véritable fils de Dieu qui est réellement sauvé. Les chrétiens sont caractérisés par un amour profond envers Dieu et envers ses frères. Mais la haine est du diable. La haine engendre la jalousie. La jalousie engendre l'envie. La haine, la jalousie, l'envie engendre la colère. Et la colère engendre le meurtre. Le meurtre engendre la révolte. Vous voyez bien mes frères, quand vous regardez dans la Genèse, mukiangalia katika mwanzo, lorsque Caïn tua son frère, wakati ile Kaini alimuua ndugu yake, c'était la haine, ilikuwa ni chuki, c'était l'envie, ilikuwa ni tamaa, c'était le meurtre, ilikuwa ni mauaji, c'était la révolte contre Dieu, na ilikuwa ni kumtombokea Mungu. La haine engendre la méchanceté. Chuki inazalisha ukaidi wala roho mbaya. La haine engendre la confusion. Chuki ikunaleta mvuruko. Ce n'est pas bien dans notre vie. Aina mzuri mu maisha yetu. D'avoir de la haine. Kuwa na chuki. La haine ne paye pas. Chuki ayezu kulipa. La haine te cause du tort à toi-même. Alakini chuki itaukosea wewe mwenyewe. Aucun homme ne peut gagner dans la haine. Hakuna mtu anaweza kupatia mo mchuki. Aucun homme ne peut gagner dans la méchanceté. Hakuna mtu atapatia mo roho mbaya. Aucun homme ne peut gagner dans la jalousie. Hakuna mtu atapatia mo mbwivu. Ça, ce sont les caractéristiques. Hii ni matabia des enfants du serpent. Ya batoto ya nyoka. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu ne peux pas haïr des gens. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, mais l'amour doit te caractériser et non la haine. C'est pourquoi il faut éviter cela. Quand vous venez au temps de Jésus, c'est toujours la haine, l'envie qui caractérisait les Juifs. Ils l'ont haï sans cause. Parce que lui aussi était un homme spirituel. Ils n'ont pas voulu écouter ce qu'il leur disait de la part du Seigneur. Voilà pourquoi hier, c'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas tellement parlé de la haine hier, je parlais de la haine du monde. Si dans votre cœur, Kama mumoyo wako. Vous n'appréciez pas une sœur, un frère. Aufuraikie dada moya wala ndugu moya. Parce qu'il s'efforce à vivre toute la parole de Dieu. Wani yeye anadikaza kuishi neno la Mungu lote. Il s'efforce à s'éloigner de toute forme de péché. Anadikaza apate ukimbia aina yote ya zambi. Une haine se lève en vous, non pas parce qu'il t'a offensé, mais parce qu'il défend sa foi. Tu dois comprendre que ces comportements-là prouvent que tu n'es pas sauvé. Tu as des démons en vous. Tu n'es pas délivré. Tu n'es pas dans le royaume de Christ. J'ai encore du monde. Parce que les gens du monde et le monde n'aiment pas le Seigneur. Et n'aiment pas tout ce qui appartient au Seigneur. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Les enfants de Dieu ne persécute pas d'autres enfants de Dieu. L'Église est avec moi. Les véritables fils de Dieu ne persécutent pas d'autres fils de Dieu. Il n'y a que les enfants de la chair qui persécutent les enfants de Dieu. Voyez, frère, quand vous calomniez une sœur, vous calomniez un frère, c'est parce que tu l'aimes pas. Tu ne peux pas dire un mal contre un frère, contre une sœur que tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu chercheras à tout prix à minimiser et à couvrir ses fautes. Parce que la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais quand tu n'as pas Dieu dans ton cœur, parce que Dieu est amour, tu as la haine, tu es du diable. Et tu ne peux pas t'empêcher de révéler la nature de ton père. Tu es un fils du serpent. Et Dieu ne peut pas t'apprécier. Vous vouliez vous-même dans le mal, votre propre destruction. Frère, ma sœur, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Les enfants de Jacob ont semé la haine contre Joseph. Mais ils l'ont récolté avec les Égyptiens. Ils ont payé. Voyez bien, mes frères. Regardez dans Exode au chapitre 1. Exode au chapitre 1. Dans son verset 12. Commençons au verset 11. Et l'on établit sur lui, sur Israël, des chefs de corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. Les enfants de Jacob ont rendu à Joseph une vie pénible. Et les Égyptiens aussi ont rendu leur vie pénible. Mais quand vous regardez le temps qui a séparé leur haine contre Joseph et la haine des Égyptiens contre eux, c'est plus de 400 ans. Mais ils ont fini par récolter la semence qu'ils ont semée. C'est ainsi qu'il bâtit les villes comme les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Frère, aversion, c'est au-dessus même de la haine. Quand quelqu'un te prend en aversion, il n'a même pas un sentiment de pitié dans son cœur. C'est une méchanceté à outrance. C'est un esprit de vengeance à outrance. C'est ce qu'ils ont récolté. Alors les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il est rendu la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages de champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Ils ont récolté. Jésus a résumé cette pensée. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas pour les autres. Mais ce que toi tu veux qu'on fasse pour toi, commence d'abord à le faire aux autres. Comme toi tu ne veux pas être haï, n'haïssez pas les autres. Comme toi tu veux être aimé, commencez d'abord par aimer les autres. Quand vous aimez les autres, vous récolterez l'amour en retour. L'église est avec moi. C'est très simple. Toi, tu critiques les autres. C'est une semence. Tu vas récolter plus que ce que toi tu as fait. Et tu vas les regretter. Tu calomnies les autres. Tu vas récolter. C'est vrai, frère. Vous mentez les autres. Vous serez aussi menti. Le mal va te retourner. Et ça sera très amer pour vous. Ne le faites pas. Vous voyez bien, mes frères. Quand tu commences à récolter le mal que tu as semé, ta vie sera amère. Et ta vie n'aura même pas de sens. Regardez pour Israël. L'amour était préférable. L'amour était préférable à la vie. C'était amer pour eux. Si l'Église pouvait comprendre ça, si nos frères et nos sœurs pouvaient comprendre ça, ignorer que l'amour divin parmi nous, Et Jésus reviendrait pour nous chercher. Parce que Jésus ne viendra rechercher que l'amour parfait dans nos cœurs. On a choqué un monde, on n'a pas tant d'attention. Tu haïs quelqu'un. On n'a pas tant d'attention. On a choqué à tellement de monde. Tu haïs quelqu'un à tel point que tu vas même contracter. N'a pas d'attention, il n'a pas. À tel point que même la tension va monter chez toi. On a choqué un monde. Tu haïs quelqu'un. Bushingish aupate. Tu es à tel point que tu manques. Pendant que les gens dorment, chuki yako inakutosha bushingish. Ta haine te tote le sommeil. Tu es un fils du diable. Tu es fils du diable. Ukubinti wa shetani. Unachukia mtu na salama inakutoka. Tu haïs quelqu'un à tel point que même la paix te manque. Tu n'es pas de notre royaume. Auna wa mfalme yetu. Unachukia mtu. Tu haïs quelqu'un. Aupende kumuona. Tu ne veux même pas le voir. C'est très grave ça. Ni hatari. Ule dada mishi mpenda kumuona. Ule frère mishi mpenda kumuona. Je ne l'aime pas, je ne veux même pas le voir. Aupende na pale penya na kanyangia. Je ne veux même pas voir là où il a piétiné. Unamona ngari mbari. Tu le vois venir de loin. Donc, votre haine. Chuki yako ile. Vous devie. Inakusukuma wende njia ingine. Jutu ushimone. Pour que tu ne le voyes pas. Tu n'es même pas un humain, tu es un Satan. Quand dans ta propre vie, tu ne sens plus que tu dois supporter un frère, une sœur, qui est habité par les démons de l'enfer. Si tu ne peux plus sentir l'ombre d'une sœur, d'un frère, sur le trône de Satan. Voyez bien le même frère. Mais ce sont des gens comme ça qui, néanmoins, quand on présente la Sainte Sainte, ils sont là. Ça, c'est le Judas. C'est ce que Judas a fait. S'il y a une chose que nous devons chasser dans nos cœurs, c'est la haine. Laissez le monde nous haïr, nous. Parce que nous ne sommes pas de leur royaume. Nous n'appartenons pas à leur royaume. Mais comment toi, sœur, toi, frère, tu te dis être de Christ. Tu dis que tu as la parole en toi. On retrouve la haine mortelle dans ton cœur contre un frère. Contre une sœur, membre de cette église. Et vous oubliez que nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, chacun, pour sa part, est un membre qui forme ce corps-là. Où avez-vous déjà vu la main haïe, l'œil? Où avez-vous déjà vu la bouche haïr les yeux? Ou les yeux haïr les pieds? L'avez-vous vu? Les oreilles haïr la bouche? Vous l'avez déjà vu? Les membres du corps ne peuvent pas haïr. Même s'il y a une faiblesse dans le corps, les autres membres vont assister ces membres faibles. Les membres du corps aimeront davantage ces membres faibles parce qu'il leur appartient. Il ne peut pas être corps sans ses membres faibles. Aiezi kwa mwili bila ile kiungo kizaifu. C'est mon pied faible. Ni mwili yangu mzaifu. Mais néanmoins, il appartient au corps. Ata vile iko ku mwili. Même si l'œil ne voit pas bien. Ata kama licho aione mzuri. La bouche ne dira pas, ce n'est pas mon œil. Il dira que c'est mon œil, mais il ne voit pas bien. Au contraire, il va le protéger. Et il espère la guérison de cet œil-là. Tu n'as jamais vu une dent qui est la langue. Même si la dent fait mal au corps, mais la langue et les yeux vont fraterniser avec cette dent-là. Parce que le corps souhaite la guérison à la dent malade. Même si elle est malade, elle appartient toujours au corps. Si nous avons la révélation de ces choses, il n'y aura pas de problème parmi les frères et les sœurs. On trouve des frères qui ne parlent pas aux autres. On trouve des sœurs qui ne parlent pas aux autres. Mon frère, moi je ne peux pas visiter tel. Même quand un frère est endeuillé ou une sœur est endeuillée, votre haine satanique vous empêche même d'aller consoler la sœur éprouvée. Comment tu n'es pas un démon? Parce qu'il y a que des démons qui font ça. Votre haine vous empêche même d'aller consoler une sœur, un frère malade. Un frère fait un accident et dans ton cœur tu dis, Aripacha ta koufokonyeo. Il pouvait même mourir. Comment tu peux souhaiter la mort de quelqu'un si je n'ai pas un démon? Et ce qui est mal, zaidi, ce qui est très grave, zaidi, on trouve même des frères qui aiment et qui haïssent leurs femmes. On trouve des femmes qui haïssent leurs maris. On trouve des enfants qui haïssent leurs parents. Ça, c'est l'enfer. C'est de la confusion, ça. Ça ne peut pas exister dans le royaume de Dieu. Non, frère. Vous payerez. Vous payerez cela. C'est vrai, frère. Ce que vous aimez, vous allez le moissonner. Surtout quand vous aimez un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Votre haine ne changera rien dans sa vie. Et votre haine ne changera pas le comportement de Dieu à son égard. Mais c'est vous qui vous enfoncez dans la mort. Et en plus, avant que vous ne quittiez la terre, vous allez manger vos propres fruits. Et ça sera très amer. Si tu es fils ou fille de Dieu, prenez la décision de ce soir d'aller arranger cette chose le plus tôt possible avant que la mort ne te surprenne et avant que Jésus ne vienne. Allez vous agenouiller devant ton frère, ta sœur. Dites, j'ai été possédé par les démons. J'étais le trône de Satan. Mais Dieu a parlé à mon cœur. Je suis obligé d'arranger mes sentiments avec toi. Allez arranger ça le plus tôt possible. Sinon, vous irez en enfer. Et avant d'aller en enfer, vous subirez la colère de Dieu. Oui, bien-aimés frères, laissez cela au mondain. Laissez cela au mondain. Laissez cela au monde. Parce qu'il n'aime pas Christ en nous. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Si tu avais l'habitude de le faire, arrête ça. On ne doit pas avoir des ennemis dans l'église. Non. Rentrez seulement. Si vous aimez la haine, vous protégez la haine en vous, votre place n'est pas ici. Rentre dans le monde, à ce moment-là, tu auras raison de nous haïr, nous qui ne sommes pas du monde. Et quand le monde sera condamné, sera condamné avec eux. Mais votre haine nous empêche d'expérimenter les bénédictions divines. Votre haine nous empêche de jouir de la présence du Dieu Tout-Puissant. Votre haine nous empêche d'être guéri. Oui, bien mes frères, on prie sur les frères, on prie sur les sœurs. Votre haine est une couche de malédiction sur cette église. Ta place n'est pas ici, ta place est dans le monde. Ici, c'est l'église du Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que l'amour qui doit y régner. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Vous payerez pour cela. Ce n'est pas notre vie. La haine n'est pas notre vie. Vous avez des gens que vous n'aimez pas. Vous vivez avec des gens que vous n'aimez pas. Quelle méchanceté. Vous vivez avec les enfants de votre mari. Vous vivez avec les enfants de la famille ou de belles familles, ta belle famille, tes beaux frères, tes belles sœurs. Vous vivez avec des enfants adoptifs que toi tu n'aimes pas. Tu es un démon. Tu es un petit diable. Jésus nous a donné une belle loi. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, à ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Parce qu'en nous, il n'y a pas la vengeance. Dans un chrétien, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de paroles de malédiction. Dans un chrétien, il ne peut pas retourner le mal au mal. Non, il n'y a que l'amour. Quand un chrétien est haï, lui, il demande, il prie. Il prie, il demande le pardon sur ces péchés-là. Il a l'esprit de Christ. Regardez, même Jésus à la croix, il n'a pas tiré vengeance. Il a dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un te hait, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus l'a bien dit. Il dit, ils ne vous connaissent pas. S'ils savaient ce qu'ils font là, ils se repentiraient. Ils ne connaissent ni mon Père, et ils ne vous connaissent pas. Frère, nous en tant que fils de Dieu, notre langue ici, si nous prononçons la bénédiction, c'est une bénédiction. Si nous prononçons la malédiction, la malédiction sera là. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne veut pas que sur notre langue, il sorte une parole de malédiction. C'est pour même dans le troisième poule. Notre langue sera contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, je suis tout à haut avant. Sinon, nous allons tuer beaucoup de gens. Elle sera contrôlée par la puissance de l'amour. Itaongoziwa na uwezo ya Mungu. De l'amour. Ya mapendo, uwezo ya mapendo. C'est vrai, frère. Ni kweli ntuku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Quittez le mal. Mwache bibaya. Faites du bien aux autres. Mufuanjie bizuri bengine. Et le bien, na bile bizuri, vous le récolterez. Mutabivuna kabadaye. Quand un mauvais sentiment s'élève en vous contre un frère, contre une sœur, priez jusqu'à ce que vous sentirez dans le fin fond de votre âme ces poids-là de la haine vous quitter. Jusqu'à ce qu'un amour et un respect profond naissent dans votre cœur envers votre frère, envers votre sœur. Croyez, frère, c'est la haine qui vous pousse à parler en mal contre un frère. C'est la haine qui vous pousse à mépriser votre sœur. C'est la haine qui vous pousse à refuser un bien fait à un frère et une sœur. C'est la haine qui vous pousse à ne pas supporter un frère. Et pourtant l'Écriture dit, supportez-vous les uns les autres. Toi, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas zéro faute. Mais si on te suit, tu n'as même pas 0,1% de choses, de bonnes choses. Tu es foncièrement mauvais. Mais toi, on te supporte. Mais pourquoi tu ne peux pas supporter les autres? Tu es foncièrement méchant. Voyez bien, mes frères et sœurs. Pourquoi toi on te supporte? Toi tu ne peux pas supporter les autres. Et même ceux-là que tu ne supportes pas ne sont pas méchants comme toi. Ne sont pas méchantes comme toi. Mais toi on te supporte. Mais toi tu ne peux pas supporter les autres. Tu es fils du serpent. Tu es la fille du méchant. Voyez bien, mes frères. La méchanceté te justifie à tes propres yeux. Ta méchanceté te fait glorifier. Tu penses que non, tu es bien. Ta haine là. Dis non, c'est seulement c'est le comportement satanique. Tu vis en enfer. Ouais, bien mes frères. Tu es dans la dimension des perdus. C'est là où tu tires ton influence. Tu es là dans la cinquième dimension. Tu vis avec des démons. C'est ça ton problème. Tu es orgueilleux. La haine engendre en vous de l'orgueil. La haine engendre en vous l'incompréhension. La haine engendre en vous la colère. La haine engendre en vous les soupçons, les calomnies. La haine engendre en vous les meurtres. La haine. Ce n'est pas bien de trouver cette vie dans l'église. Non. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce qui caractérise l'église du Seigneur, c'est l'amour. Quand un homme est né de nouveau, la première des choses qui tombe dans son cœur, c'est l'amour envers Dieu, l'amour envers sa parole. Et la deuxième chose, c'est l'amour fraternel. Vous voyez? Et l'amour envers tout ce qui appartient au Seigneur. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Mais cette vie-là vient d'où? En Dieu, il n'y a pas de haine. Quand un homme est rempli de démons de la haine. Wakati mtu anajaziwa na mademona ya chuki. De la version. Ya uchukia kubaya. Il a trop de justifications. Eko na kujesabia. Quand vous voyez un homme ou une femme qui se justifie dans le mal, qui se donne toujours raison, il est un démon en chair. Eko tu ni demona mumwili. Huko bantu bengine. Banajifuana kuya bo benyewe ba shetani. Mandemona. Satan, il banda. Pantalon, on a un mec qui banda. Il porte les pantalons, il porte les pailles, mais tout un temps, démon. Démon a tout. Il a tellement ouvert. Elle a tellement ouvert son cœur au démon. De telle manière que tous les démons de la haine ont fait de son cœur leur trône. Et il commence à raisonner rien que par la haine. Les pensées de la haine, les sentiments de la haine, les paroles de la haine, les gestes de la haine, les regards de la haine, même quand il te regarde, vous voyez dans ses yeux, tous les démons de l'enfer, quand ils posent un acte de la haine, même dans sa démarche, vous voyez de la haine. Parce qu'il est, entièrement, il est devenu un démon fécheur. Au lieu d'être la parole faite chère, lui devient un démon fécheur. Regarde quand quelqu'un est en colère ou quelqu'un a de l'aversion contre quelqu'un. Il a brillé juu ya nini? Nijua kukwambia kusema ni mtoto ya nyoka. Regardez vile macho ya nyoka inekale kuna angalia. Ça brille. Kuna ngala. De la colère. Na kasirani. Et on a semé la monte et on proclame. En train de rincer les dents. De grincer les dents. Utaona na chuki ya shetani na pauso inakuwa dessiné. Mtu anakuwa mubaya, anazeka juu ya chuki. À cause de la haine, il devient la haine et la colère. Déranlé. Ta méchanceté te fait vieillir. Voyez frère. Parce que tu ne jures que par le meurtre. C'est pourquoi vous voyez Jésus dit, celui qui se met en colère contre son frère, contre son prochain, sans raison, il a déjà tué. On te pose la question, comme tu es rempli de la haine, tu réponds avec haine. C'est terrible, frère. Tu es perverti. Que Dieu nous vienne en aide. Si c'est de cette manière que nous attendons le Seigneur, nous nous trompons. Jésus ne viendra pas chercher les gens de cette espèce. Non, bien-aimé frère. C'est pourquoi Dieu veut que chacun de nous se repente de sa méchanceté. Attends! Karianza kulikuwa kakimvuri ya chuki muro yako. Prenez le temps de le réparer maintenant. Chugwe wakati ya kuitubu hapa sasa. C'est comme je venais de le dire. Tu n'as pas le droit d'haïr quelqu'un parce qu'il t'a causé du tort. Auna na sababu ya kuchukia mtu juu. Ni zambi yake, il va aussi payer. Lui-même il payera lui-même. Tu as fait toujours du bien. Wewe endelee kufa paka bizuri. La haine te rend prisonnier. C'est comme je l'avais dit une fois. Fois là. Dieu aussi confond les gens, les méchants. Celui que toi tu es, Dieu les bénit. Il n'a pas de problème avec toi. C'est que toi tu cherches. Ah, ça n'a pas que ça. C'est celui que tu il aimes. Il a barrière. Ta haine la barrière. Tu as la lui demander, tu vas passer nuit à et pourtant, même. Il est disposé. Dieu est disposé à t'assister par sa main. Vous voyez, frère. On a un tout compagnon. Tu as les enfants de ton mari. Des filles. Tu te bats avec. Tu es quel genre de femme toi? Tu es quel genre de chrétien? Tes enfants à toi, c'est seulement celle que tu as mise au monde à toi. Dieu te confondra. Ces enfants que tu maltraites, les tiens là qui sont des voyous ne t'aideront même pas. Dieu est terrible. Là où tu as placé ta confiance, c'est là que tu ne récolteras rien. Peut-être Mungu Dieu a buluma ya bwana yako wa roho mzuri. Anebabariki, anebatuma mbali. Anabeba paka bale ambao ulichukia, anebaweka karibu na anebabariki. Bako bale abana possibilité kukusaidia. Pale wewe ulichukia kabale, ndio wanaanza kukusaidia. Si utapata haya. Si utapata haya chukia. Confus de honte. Vous voyez, frère, nous ne devons pas voir en nous ces sentiments-là. Que Dieu vous bénisse. Nous devons chasser la haine en nous. Ma forme, il y a que yote. Dans toutes ses formes, nous devons chasser cela. Tu n'as pas chukufukuza chuki. Dans cette église, si tu ne dois pas voir un seul ennemi, même pas l'odeur d'un ennemi, vous devez être libre. Yakutembelea, qui la dada, qui la ndouku, chaque frère. Voyez, frère. On a un ndouku. Vous ne devez pas avoir des limites. Comme on a quoi dans ma limite? Lorsque tu commences à avoir des limites, ah, là, sache que tu es dans un piège. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nangaria frère. Tu regardes un frère. Nangaria dada. Tu regardes une sœur. Ukona mkengula. Tu le regardes avec démon. Mépris comme un démon. Sœur anawa kutembelea. Frère anawa kutembelea. Ukona mkengula. Mais toi tu le regardes avec un mépris. Tu vas récolter. Utavuna. Mungu atakutumia ba Égyptien. Des Égyptiens, c'est là que tu vas payer. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Et de toi. Seigneur.